projet, Watchers. Comment sera le futur? Hein? On pense à l'avenir, gros. Yeah. Ok, ok. Dans le futur, on sera tous des gens bien, on cramera plus de voitures, on invitera nos voisins, les fous ne seront plus qu'à m'isoler, on oubliera le sens des mots qu'à isoler, on aura oublié les sales pétroliers, on vivra tous sur du sable doré. Dans le futur, les gens feront n'importe quoi, OP pour n'importe quel délit, pour n'importe quel faux pas, franchement ne vois-tu pas, ne crois-tu pas, nous finirons dans le noir, aujourd'hui tu sais, notre avenir est sans espoir, tu sais. Nous allons tous péter une pile et tout ça finira par une guerre civile. Un monde joli et tranquille, du bonheur dans les villes. Plus de guerre, plus de sang, donc plus de crimes. Un monde pas si joli et des terres délabrées. Une misérable vie, gardez le cœur accroché. Comment sera notre avenir? Triste et macabre, on se découpera au sabre. Moi je vois des gens sourire. Moi je les vois pleurer, affamés, fatigués. Peu importe ce qu'on va subir, faut pas lâcher l'affaire, toujours honnête et sincère. Et beaucoup vont survivre. On sait pas ce que réserve l'avenir. On sait pas ce que nous réserve l'avenir. En tout cas j'y vois le meilleur. Une grosse équipe comme nulle part ailleurs. Dans ce monde, tous soudés frères. Plus personne ne va couler, personne sera par terre. On va tous se tenir par les mains, on va faire la hola jusqu'au bout du chemin. Plus personne ne crevera de faim et on partagera notre pain. Demande-toi désormais ce que nous réserve le destin. On vivra dans la guerre, dans la furie, dans la frayeur. Notre seule survie dépendra d'un fusil mitrailleur. Un temps de révolution pour tous les brailleurs, animés par l'esprit et l'obsession du tirailleur. Le futur plus tard, crois-moi, ça sera pas drôle. Des viols, des vols et des meurtres pour du pétrole. Comment sera notre avenir? Notre avenir c'est juste d'être cloué au sol. Comment sera notre avenir? Triste et macabre, on se découpera au sabre. Moi je vois des gens sourire. Moi je les vois pleurer, affamés, fatigués. Peu importe ce qu'on va subir, faut pas lâcher l'affaire, toujours honnête et sincère. Et beaucoup vont survivre. On sait pas ce que réserve l'avenir. On voit le bon, le mauvais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'avenir promet. En voilà une valeur sûre. Pour ce qu'il s'agit de l'air pur, ça reste à voir, je perds pas espoir. Juste envie que chaque être accomplisse son devoir. Que ce soit l'enfer, ou bien que ce soit le paradis. Que tu sois millionnaire, tu gagnes pas un seul radis. Attends-toi à toutes les situations possibles. Car ton futur décidera peut-être de te prendre pour cible. T'es en place, c'est à toi de bouger. Tout le monde sait qu'on peut contourner nos destinées. C'est à toi de choisir de faire le bien ou le mal. Aujourd'hui j'aimerais juste dire, ça apporte rien de faire le chacal. Comment sera ton avenir, le meilleur ou le pire? Te fera-t-il sourire ou te fera-t-il souffrir? Comme ta femme quand elle t'épile à la cire. Et cire, faut réfléchir, à nous de s'en sortir. Comment sera notre avenir? Triste et macabre, on se découpera au sabre. Moi je vois des gens sourire. Moi je vois pleurer, affamés, fatigués. Peu importe ce qu'on va subir, faut pas lâcher l'affaire, toujours honnête et sincère. Et beaucoup vont survivre. On sait pas ce que réserve l'avenir. On sait pas ce que réserve l'avenir. On sait pas ce que réserve l'avenir.